Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 16 un entretien. En voici le résumé. Le 13 dernier, le sous-marin nucléaire américain Mississippi s'est présenté pour la première fois en Asie-Pacifique pour ancrer au port de Busan de Corée du Sud. Mississippi, mis en service en 2012, est un sous-marin nucléaire d'attaque dernier cri des forces navales américaines, remplissant les missions pour assurer l'attaque contre les navires de l'adversaire et des opérations spéciales au moyen des dispositifs nombreux de lancement de torpilles et missiles de croisière. Maintenant, deux porte-avions nucléaires américains font la navette en permanence dans les eaux d'Asie-Pacifique aux alentours de la péninsule coréenne et au sein des États-Unis se livrent ouvertement les préparatifs de l'opération de raid aérien de précision contre les établissements nucléaires et les forces nucléaires de la République populaire démocratique de Corée. Dans cette circonstance, le sous-marin nucléaire américain sophistiqué est entré en Corée du Sud, ce qui est la menace directe contre la sécurité de notre République et la paix de la région. Par suite de lancement continu des biens stratégiques de toutes sortes par les États-Unis dans la péninsule coréenne et à ses environs, la situation instable de la péninsule coréenne se rend de plus en plus incontrôlable. C'est un argument effronté que les États-Unis prétendent encore que la dénucléarisation est la plus primordiale tout en recourant toujours aux démarches de chantage nucléaire continu et aux simulacres de guerre nucléaire contre notre République. Que les États-Unis voient correctement le statut stratégique de notre République au premier rang des puissances nucléaires et le courant de l'époque, abandonnent leur politique hostile anachronique à l'égard de la Corée et prennent une décision politique de retirer de la Corée du Sud leurs troupiers d'agression et armements de guerre.